70 et 10 pour 100 pour 100 pour 100. 70 et 10 pour 100 pour 100 pour 100. J'aurais du classable le moins, moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70 et 10 pour 100 pour 100 pour 100. 70 et 10 pour 100 pour 100 pour 100. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Et oui, on est à 70%. C'est Tommy, votre animateur préféré, sûrement, tu sais, parce qu'en tout cas, de 70%. On va écouter, en commençant l'émission, une chanson de Day Above Ground que j'ai découvert cette semaine. C'est pas raciste du tout parce qu'il dit qu'il l'aime, mais Chris qui va sortir tous les stéréotypes, si vous comprenez l'onglet. En attendant, c'est Asian Girls de Day Above Ground. On est à 70%. On vous revient pour une émission avec l'excellent Giz. On a Mathieu Boudreau et puis, bien sûr, Julien Bernatché. Avec Sylvain Savard en invité. Chris de tune spécial pour commencer. Des rimes en A, c'est très, très, très difficile. Asian girl, she's my Asian girl. You're my Asian girl. You're my Asian girl. You're my Asian girl. She's my Asian girl. Yes, my Asian girl. You're my Asian girl. I love your stick. Love it. Butt fucking all night. Korean barbecue. Bitch, I love you. I love your creamy yellow thighs. Ooh, your slanted eyes. That was the year of the dragon. Ninja pussy, I'm stabbing. Asian girl. You're my Asian girl. You're my Asian girl. Feng shui sheet. What? Don't lay your head by the toilet. I've got your green tea boba. So put your head on my shoulder. And your mama's so pretty. Yeah. Best nails in the city. Pushing your daddy's Mercedes. Girl, you drive me crazy. Asian girl. She's my Asian girl. You're my Asian girl. February. It's fine with me. I guess. Yeah. Shark soup. What? Fuck it. We'll eat it. Oh, tradition, tradition, tradition. Yeah, yeah, baby. 'Cause you're my Asian girl. You're legally the best kind. So baby, marry me. Come on, sit on my lap. Right here, baby. Oh, we'll send you back. And you ain't so well. Or 23, baby, it doesn't matter to me. Asian girl, you're my Asian girl. You're my Asian girl. She's my Asian girl. You're my Asian girl. She's my Asian girl. You're my Asian girl. Yeah, she's my Asian girl. Yeah, big. Thank you. Accra, K-Town, Temple City, don't forget Chinatown, get down. Happy endings all over. Bruce Lee, Toyota, spicy tuna sashimi, yeah. Tasty Garden, oh yeah. Fried rice, Sailor Moon, wonton soup, spring roll, Thai tea, top and foot, rub, rub it down, down, down. Tofu all over you, all over me. Yeah, we love you all. All the Asian girls love you. Woo! We love you. Keep smiling. Merci encore, René, des ennuis. Merci à qui ? M-E-R-D-E. Il essaie de plus dire de gros mots. Ah, fuck it. Juste parce qu'on vous aime, là, on met un autre clip tout de suite. Ça s'appelle Saskatoon, parce qu'il y a une toune sur Saskatoon par l'Office du tourisme de Saskatoon pour nous convaincre d'aller à Saskatoon. Oh, on est à 70%. Là, on revient avec notre invité, Sylvain Savard. Turn on the TV, hear them all talk about how time's almost up and the dollar's gone down. It's a roller coaster ride on this merry-go-round, and it just ain't fair. Wish they could see things like I do. Guess I'm just one of the fortunate few. Hey, hey, I'm doing all right. It's a beautiful world in your eyes tonight. Far as I can see, oh girl, it's a beautiful world. I don't know how they live in that cold, cool place, running fast as they can just to stay in the race. And the winners still got a frown on their face. I don't understand. I guess they don't see things like I do, 'cause right here from my point of view. Hey, hey, I'm doing alright. It's a beautiful world in your eyes tonight. Hey, hey, looks like heaven to me, yeah. Everything's perfect far as I can see. All to myself, it's like I got the winning lotto ticket here on my shelf. But they'd never understand, even if I try to tell them why I'm still smiling. Hey, I'm doing all right. It's a beautiful world in your eyes tonight. Hey, hey, looks like heaven to me. Everything's perfect far as I can see. Hey, hey, I'm doing all right. It's a beautiful world in your eyes tonight. Hey, hey, looks like heaven to me. Yeah, everything's perfect far as I can see. Savais toi, Sylvain, que ça rime, effectivement, ça rime Saskatoon, Girl, World, c'est toutes des affaires qui riment. Donc, on est à 70%. Merci tout le monde d'être avec nous. C'est mon nouvel ami, l'excellent Sylvain Savard, qui est avec nous. Moi, je t'ai demandé, qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Tu as dit « Pixel Artiste ». Oui, Pixel artist. Est-ce que c'est un mot qui existe en français? Tiens ça bien pas loin de ta bouche qu'on t'entende, là. Oui. Pixel artist, on peut dire ça en français? Oui. C'est bon. Bon, on a une confirmation de quelqu'un qui en fait. On a ici en background une image que c'est toi qui as dessinée jadis. Moi, ça me fait triper ben raide, ces affaires-là. T'as pas l'impression d'être un petit peu un artiste archéologue en faisant ça? Parce que t'es en train de te replier sur des techniques archaïques, ancestrales. Oui, en effet. Ben, en fait, je veux ramener le pixel art. Ah, bring back le pixel art? Oui. J'aime ça, ce qu'il fait. Ah, c'est bon, Guiz est content aussi. quelles sont tes méthodes que tu utilises pour ramener le pixel art? Photoshop. Ah, c'est une bonne méthode, ça. Tu fais toutes tes affaires avec Photoshop? Oui, tous mes dessins, toutes les animations que je fais pour les petits jeux qu'on fait en the side aussi. OK. Photoshop. Et voilà. Quand est-ce que tu as commencé à gosser là-dessus? Ça fait au moins 10 ans que je fais ça. Je fais des dessins, mais le pixel art en particulier, ça fait peut-être juste 4 ans. Là, tu vas voir, il va nous switcher de green screen, ça va être débile, l'incendie à Rio, toi, calice. Zombies. C'est vraiment hot, hein? Puis, je veux dire, les thématiques qui reviennent le plus, qu'est-ce qui t'inspire? Les extraterrestres, les zombies, les abysses, sous l'eau, bien creux. OK, Cthulhu, genre. Fish, ouais. Anglerfish, Cthulhu. Y a-tu un cauchemar que tu fais souvent qui revient? Tout le temps. Quel cauchemar? Cthulhu. Cthulhu? Mm. Ah ouais? Regarde dans la caméra puis répète encore. Cthulhu. Excellent. Puis là, ben, dans le fond, moi, je t'ai invité pour non seulement venir présenter ton site, parce que tu as un site. Comment il s'appelle ton site? J'ai pas de site internet encore. Bon, ben ça s'en vient. Sinon, c'est surtout parce que tu nous as fait une publicité. C'est la première publicité de l'histoire de 70%. Et j'ai insisté pour que notre artiste y vienne se mettre en avant de la caméra pour se présenter. Toi, tu es disponible pour faire des mariages aussi? Absolument. Je fais des mariages en pixel art. Et voilà, il est capable de faire n'importe quoi, le gars. Et c'est bien sûr l'avenir parce que c'est une méthode archaïque. Avant de se lancer dans ta nouvelle publicité, ben ouais, on va passer par... Ça, c'est quoi? C'est une tentative de jeu que tu es en train de faire aussi. Vas-y, lance-moi ça, mon Guilain. Ça, c'est-tu... C'est pas celle-là. Non, je sais que c'est pas celle-là, mais je voulais savoir si c'est un jeu parce que là, t'as un gars avec un canon qui est en train de tirer dans du monde. Baisse-toi un peu, ça va être plus hot. Ah, c'est ça. Ouais, en fait, celle-là en mauve, où est-ce que les petits dudes qui tirent des aliens, en fait, ouais, c'est un début de jeu. Aha! C'est mis sur pause pour travailler sur l'autre projet qu'on va voir. L'autre projet qui s'en vient. Vas-y, switch, mon Guilain. Et voilà, ça a l'air d'être un jeu de resource-based. C'est quoi? C'est l'armée qui essaie de se battre contre les fourmis? En fait, c'est un peu comme une bataille de chiens. Fait que t'envoies plein de créatures se battre une contre l'autre, puis tu bêtes sur eux autres. Oh, cool! Ouais. Cool! Puis tu peux faire un petit peu d'interaction, genre de décider quand est-ce qu'il bloque, quand est-ce qu'il attaque, puis... Et voilà. Mais pourquoi qu'on fait ça, en fait, c'est que moi et mon petit team, en fait, ça, c'est un pitch d'un projet. Okay. On veut lancer à Execution Labs, qui est en fait une compagnie que, s'ils nous acceptent, ils vont nous financer pour 6 mois. Puis si on est successful, puis qu'on... Oh, et ça s'en vient, là. Ben, ils vont nous garder, puis ils vont nous faire d'autres projets, puis éventuellement, on va pouvoir voler nos propres ailes, puis garder le nom de notre compagnie aussi. Ben, excellent. Ben, bravo là-dessus, mon gars. Ça a l'air d'être une autre belle manière de fonctionner. Dans le fond, tu t'es trouvé un producteur qui attend de voir si tu fais tes preuves. Exactement. Ouais, c'est cool, ça. Puis sinon, ben là, on va parler un petit peu de la publicité. C'est 4 volets. T'as fait l'animation, t'as fait tout. On a demandé à Simon Préjean de mettre le volume dessus. C'est quoi ton inspiration à la base? Ben, en fait, c'est tes idées, de mettre des zombies. C'est moi, ça. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais. Parle de moi, encore. OK, ben, t'es beau. Puis... OK, on va parler d'autre chose. C'est ton idée à toi, par contre, de mettre le plan du Bagman, un beau clin d'œil à nos amis. Exactement. De Roadkill Superstar. Ouais. Moi, je trippe sur Bagman, anyway, de base. Fait que je dis, oh, je vais l'insérer quelque part dans la pub. Et voilà. Au départ, j'y avais demandé 3 volets. Il y en a un 4e. Merci, Sylvain. Ça fait plaisir. J'ai hâte de voir d'autres affaires que tu vas faire et j'espère qu'on va réussir à te convaincre à revenir ici à un moment donné, là, parler de jeux vidéo ou d'autres choses. En attendant, je vais te passer à Guiz parce que vous allez sûrement avoir des affaires à discuter. Et notre ami technicien de secours, Guilain Lamirande, va partir la publicité de 70%. C'est la première en 10 ans, mesdames, messieurs, ça fait 10 ans qu'on fait 70% et on n'a jamais eu de publicité. Et donc, voilà, très content de vous présenter ça. C'est 70 trailer 25, je pense. Là. C'est ça. Et voilà. Puis on revient. On est tous musclés, là, grosse émission qui se part. Pow! sans la capucine, y'a pas de pain chez nous, y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Yo! Stop, stop, arrête, arrête, c'est mauvais. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, y'a que t'es pas dans le rythme. Tu rigoles, j'étais super synchro, regarde. Dans non mais arrête, là. Arrête s'il te plaît, tu nous fous la honte là. Ah oui, c'est filmé. Coucou les copains. Bon, mais sinon, on pourrait la refaire, mais en plus vite. Je préfère pas, non. Allez, dans la capucine. Stop. Et si je te donne mes croquettes? Ok. Dans la capucine, y'a pas de pain chez nous. Y'en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Dans la capucine, attends, ça me gratouille. Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Bah, je sais pas. T'as de me refaire une puce? Une puce. N'importe quoi. Ah, c'est ça gratouille. Hein. Comme si j'avais des puces. Ah, ça va mieux. Mmh. Eh, tiens, regarde. Poum. Eh, hey, oh. Non, hein. Non, non. Pas de ça, hein. Tu te calmes. Ok. Ok. Ok, ok. Poum. Oh, t'es saoulant. Arrête. J'arrêterai si on refait un tour. Bon, d'accord, mais c'est le dernier. Hein. Allez, ouais, dansons la capucine. Y'a pas de pain chez nous. Y'en a chez la voisine, mais ce n'est. Oh, attends, je crois que j'ai une puce. Attaque de puce. Mais ça va pas, non? Mais t'es complètement con ou quoi? Oh bah. Puis d'abord, ta chanson, elle est débile là. C'est pas la capucine, c'est. Normalement, c'est main droite, main gauche là. Hein? Chier. Lenny, c'est quelqu'un de gentil, mais qui fait souvent des la. Moi, journaliste, je dirais que des gens comme nous, nous devons toujours être présents pour essayer d'aider le politique. Le savant Eddy Malou tiendrait que le colloque puisse avoir lieu, donc une chasse autour de province. Parce qu'on ne peut jamais, d'une manière ou d'une autre, nous, en tant que société civile, rester au milieu par rapport, aux convenances de la francophonie. Parce que ça, la francophonie, ça a de l'ampleur autour de ce qu'on appelle... C'est une kermesse intercontinentaliste où nous devons défendre les valeurs comme telles dans ces prestances, comme prestations, des valeurs françaises. C'est un langage purement technique à défendre. Mais les politiques aussi devraient avoir une certaine compétitivité autour de la congolexicomatisation. Les lois du marché propre aux Congolais sous cet environnement de 2 345 410 km², parce que dans la francophonie, nous parlons plus de ce qu'on appelle contextualisation de fleuves. Nous avons combien de fleuves, nous avons combien de kilométrages offshore que nous devons gérer à bon escient, le onshore, insiding, outsiding. Nous n'allons pas seulement danser ou bien jouer au football, là, c'est la compétence autour des GPS, géophysique spatiale. Le Congo a besoin, plus que la francophonie, puisse prévaloir, vanter ce que nous sommes dans le monde. Parce que ce qui dit Congo, c'est une grande nation qui avait aussi besoin de plus des écrivains, de poètes, de génies, des artisans, pas seulement des artistes et musiciens. Non. Ça, c'est une enclosure que nous allons effacer, imposer des valeurs autour des compétitivités. Le compendium, 36 600 pages d'ailleurs prévues à ça, 15 000 pages. C'est la congolexicomatisation, c'est-à-dire nous devons nous référer à ça dans la sous-régionalité. Oui, la prédestination, parce qu'on ne peut pas avoir une vision sans prévision. Pour essayer de rabibocher, booster sur les bonnes politiques, il faut aussi une prestance qui devrait porter d'avis vers ce qu'on appelle de commoditiers à réformer. Il nous faut des cabales. Précisément, il faut des réunions qui doivent être dans le prémices. Les Congolais ont besoin des capacités dans le compendium, c'est-à-dire des questions liées au social, parce qu'il faut chercher des voies et moyens, surtout nous savants, surtout moi, Eddy Malou, j'ai beaucoup à faire, aider les politiques autour des quatre carrefours de formation, la quadripartite, c'est-à-dire nous avons la famille, école, université, et pourquoi église et nation. Les tripaliums, les triumvirats, parce que quand nous prenons le triangle rectangle, nous allons trouver que nous devons encadrer, cadrer les encadreurs, encadrer les cadres, population d'abord au point adjacent Belvédère, population 70% parce que nous devons créer du travail, travail d'abord, mandoukare et bibère à manger, à boire, et maman journaliste, c'est clair, vous ne pouvez pas passer au point A, sur les allèles A vers B, c'est une objectivité, ça c'est clair, qu'il faut d'abord se consolider dans le système de insiding, et outsiding. Vous ne pouvez pas passer à l'aile vers le politique généralisé, parce que ici, c'est la population qu'il faut gérer. Hein. Nous avons affaire à un système de phaser, faculté d'administration des affaires et sciences économiques, et gestion. Un civil, hein, sécurisé comme tel le territoire, sous l'angle de ce que j'ai bel et bien donné à l'entité territoriale décentralisée avec la formule 1 plus entre parenthèses 2 fois 5 Congo profond, 10 provinces plus. They're coming! Lock the doors! Hey, salut Tommy! Salut Guiz! Salut Mathieu! Ah, salut! Comment ça va? Ah, bah oui. Bon, moi ça va correct. Ouais? Oh, oui, oui, oui. J'aime bien ton choix de jeu d'aujourd'hui aussi. C'est très nostalgico. C'est très nostalgico-romantique. Et voilà! Sans faire de spoiler. Écoute, Tommy, moi je me suis toujours intéressé à le pourquoi du comment. Tu sais, exemple, dans les films de Walt Disney, quand on voyait des formes phalliques dans le ciel, est-ce que c'était vraiment un accident ou c'était un dessinateur qui voulait troller ou. Tu sais, est-ce que. C'est comment personne n'a vu ça? Mais ça, c'est subtil. Là, après ça, je me suis dit des accidents comme dans Zelda 2, que pour te faire healer, tu rentres dans une maison avec une chicks avec une robe rouge, puis que tu ressors de la maison, tu sais pas ce qui s'est passé, mais t'as ton énergie. Puis elle se dit, moi m'occuper de toi. Moi m'occuper de toi. I can restore your life. Fait que je parlais de ça, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, Guiz, faut que tu joues à Ring King. Pourquoi? Joue à Ring King. Ouais, mais faut-tu que je cherche quelque chose? Y a-tu quelque chose en particulier? Dis non, non. La cassette de disparaître, ça doit être drôle. C'est plus ou moins ça. Ça m'amuse. Fait que, ben, regarde, une vidéo vaut 1000 mots. Alors, j'y ai joué. Voici de quoi ça donne. On part Ring King de 88. Tu t'es sorti le joystick, hein, c'est ça? Ouais. Deux fois. Alors, ça commence correct. On a plein de modes. On peut jouer à deux. On peut se pratiquer. On peut faire des tournois. C'est correct. Alors, bon, voilà. J'inscris mon nom. Mais là, vu que le but, c'est pas de montrer que je suis capable de détruire un autre personnage, mais plus de montrer le jeu lui-même, j'ai comme un peu fait n'importe quoi. C'est le fun que tu commences en Player 1 puis que. Ouais, c'est un peu fatigant. Ouais, tu peux t'appeler Player 1. Ikezar Y. Parce que ça si, mettons que tu t'appelles Yann, faut que tu effaces les lettres. T'sais. Ah oui. Donc, tout va bien. On choisit les stats. Donc, quand on joue contre un adversaire, on est supposé comprendre quelles stats s'entraîner pour battre ce genre de boxeur-là. J'ai pas trop suivi. Donc, ça commence. Ça va. Jeu de boxe. Oups! Première scène gauche. Gros câlin. Oui. C'est... Mais tu sais, à la limite, je me suis dit, si c'est juste ça qu'on m'a dit, qu'il n'y avait pas de bon sens, je me suis dit, bon, OK, regarde. C'est vrai, quand tu regardes un peu de la boxe, c'est vrai qu'on dirait que quand ils sont fatigués, ils se collent puis qu'ils dansent un peu. Bon, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ils partagent la sueur. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas peur de se toucher, c'est correct. Très bien. Ouais. Puis étrangement, quand ils font ça, ils regagnent un peu d'énergie. Donc, ben oui. Ça ajoute au réalisme. Mm-hmm. C'est le fun. Toi, t'es le bleu là-dedans? Je pense, je pensais sur les boutons un peu n'importe comment. Je dois être lui, il a l'air rouge. Parce que les deux, ils ont comme vraiment. C'est un color swap pur. Ouais. Alors, son cousin. Voilà. On se bat, puis là je me suis dit, bon ben qu'est-ce qui se passe, on va continuer. Tommy, je vois pas le compteur d'ici, il doit rester comme 5 secondes au round. Ouais, on espère, mais en même temps c'est quand même intense, un jeu de boxe avec 8 directions à cette époque-là, c'est... Ouais, effectivement. C'est qu'on n'est pas dans Punch-Out, qu'on est vraiment en faux 3D, donc en 2D. Ouais, c'est ça, et voilà. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Oh! Sérieusement! C'est quoi ça? Non, regarde! OK. On est dans le coin et on... Il y a personne qui a rien vu. J'ai... Non, mais... Mes yeux étaient purs, Guiz! Et le match continue? Ouais, mais j'ai comme un peu réfléchi à ce que je venais de voir et j'ai à peu près lâché ma manette là. Puis là, je jouais plus vraiment. Fait que, qu'est-ce qui se passe, c'est que... Ben voilà... J'ai abandonné ma confiance en tous les éditeurs de jeux des années 80 qui ont un peu peut-être influencé mon enfance sans le vouloir. T'as laissé tomber, on le voit, là, t'as laissé tomber la manette. Même l'intelligence artificielle n'arrive pas à venir à bout de mon personnage inerte. Ouais. Je pense que ça aurait été plus vite si je l'avais attaqué parce qu'il aurait pu répondre. Répondre. Ben, et voilà. Et voilà, et je baisse le plancher. Voilà. Oh, ben, ben oui, il baise le plancher. C'est... C'était ta game de Ring King. C'était ma découverte de Ring King, alors je m'excuse. Puis, non, non, mais je suis pas fou, là, ça a pas de bon sens, là. Ben, non, non, ben, non, non, t'es pas fou pendant tout. Non, non, non, ben, on est tous un peu fous, en fait, hein. C'est, ouais. C'est un autre débat. T'arrives au bout, genre? Je suis genre, oui, moi, c'était juste ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Okay. J'en avais assez pour la semaine. Merci, Guess. Hey, merci, Tommy. Merci, ça, Mathieu. Ça me fait plaisir. Ah, Ring King. Ring King. Hey, là-dessus, on s'en va écouter. En fait, c'est une espèce de compilation que quelqu'un a faite sur. Ça s'appelle Demented Children in Vintage Advertisements. C'est assez particulier. C'est un très long titre. Et ouais, ouais, ouais. Ben, tu vas le reconnaître assez vite de c'est quoi le sujet. On est à 70%. Merci encore, Guise. On va revenir avec Mathieu, j'ai l'impression. Dungeons and Dragons games. Products of your imagination. Dans le but de prendre le pouls de Montréal, j'ai posé la question au Mont-Royal. Mont-Royal, que penses-tu de Montréal? Fait que c'est clair, il jase pas beaucoup. C'était très touchant. Ouais. Ça va, Mathieu? Oh! The Ring King! Il avait besoin d'énergie. Ring King! Ben, c'est bon d'appliquer ce qu'on apprend. J'pense. Ben voilà, tu sais, c'est important. Je ne connaissais pas ça. C'est une manière comme une autre, hein? Ça fait circuler la sève puis tout. Hey! La semaine passée, Tommy, je t'ai parlé de mon fils qui s'était pogné une chicks. Oui. Ouais. Ben oui, hein, monsieur commence à sortir sans ma permission, là, tu sais, n'importe où, n'importe quand, et surtout, hein, sans paramètres. C'est des paramètres. Il va au parc. OK. D'après lui, là, hein, c'est le fantôme de son ami imaginaire qui a dit ça. Pour prendre de la maturité, hein? Mais il a spécifié, là. Je le sais que j'ai 8 ans puis que je suis supposé être inconscient, mais la puce que t'as mis dans ma tête, elle m'aide vraiment. Merci, papa. Puis là, ben, il a évité deux claques en m'embrassant. Oh. Fait que, faut que je m'y fasse, mon fils grandit. Voilà. Ben oui, puis il abuse de toi tranquillement, il abuse de ta gentillesse. Là. Non, ouais, mais regarde. Ouais. Un bec, deux claques, moi, ouais, ça fait partie sait pas, de la fierté de son père. Ben c'est ça, il sait pas ce qu'est la clôture non plus. Hein. tu sais, quand t'as les yeux dedans. Fait qu'il s'est pogné une belle grande noire, là, tu devrais voir ses yeux-là. Quand elle te regarde, tu le sais ce qu'elle veut, tu sais. Ce qu'elle veut, c'est du vrai, c'est construire quelque chose avec un ami, un complice, là, pas juste une baisse tiède sans saveur. Là. Ce qu'elle veut, c'est pas fusionner non plus. T'sais, sa vie, c'est, elle a sa vie, lui, il a la sienne. T'sais, c'est partager qui l'intéresse, une belle expérience de fabrication de bonheur qu'ils vont partager autour d'eux autres. T'sais, écoute, c'est la fille de 12 ans la plus mature que j'ai rencontrée. Je te le dis. Fait qu'il fourre, il rentre à des heures impossibles, puis il se ramène des chums pour brosser. Laisse-moi te dire que j'ai le goût de fesser, tu sais. Mais fesser de joie, hein? Fesser de joie parce que mon père, il disait claque d'avant-midi, sieste d'après-midi. Puis il avait raison. Il avait raison de dire ça. Parce que moi, j'ai tapé dessus toute la matinée cette semaine, hein, puis il s'est jamais levé avant 15-16 heures, tu sais. Un peu croche, la face dans son sang puis son vomi. J'ai dit, le réveil est brutal quand tu perds la carte. Là. Ça, c'est une des règles de base quand tu bois. Être en mesure d'équilibrer ton rapport conscience-inconscience, tu sais. Bon, abstrait, concret, tu sais, puis pour un enfant de 8 ans, ben, tu sais, calinours, bisounours, mettons, tu sais. Ouais! Calinours, bisounours. Parce que je sais pas si tu le savais, mais les bisounours, ça, là, c'est des oursons en plus qui ont été vendus dans les années 80 par la compagnie Kinel, tu sais. Puis ça, là, entre 1983 et 1987, ils en ont vendu 40 millions partout sur la planète de toutes les astis de couleurs que tu veux. Tu sais, ils en fait du linge, des boîtes à lunch, name it, ils l'avaient, là, tu sais. Quand tu rencontres un calinours, il a réussi. c'est concret, il existe. Oui. T'sais? Pas un calinours, un bisounours, excuse. Parce que c'est ça, la différence quand tu rencontres un calinours de marde, hein, c'est une pure invention du bon Québec moderne, t'sais? Le Québec moderne. T'sais? Parce que ça, dans nos cerveaux en soutane, ça passe à pas. T'sais? Bisou, ça ressemble trop à bisoune, Tommy. OK. Puis associer des bisous à cet âge-là à des bisounes, ça marche pas. Moi, ça me fait bugger. Parce que, non, mais c'est parce que, regarde, c'est n'importe quoi. C'est quoi, après ça, on va interdire le père Gédéon et sa pipe. Voilà. Parce que le père Gédéon ressemble trop... Tout le monde, non, mais tout le monde devrait filer tout croche de porter une ceinture, Tommy. Qu'est-ce que tu fais si tu t'appelles Dick? Quand tu rencontres un calinours, tu rencontres l'image, tu sais. C'est abstrait, là. Ça existe pas. Papa, pourquoi tu pètes une coche? je ne sais pas. Papa, il veut tout t'expliquer en même temps, puis son raisonnement se fait tout croche. T'sais, s'il n'était pas aussi motif, papa, il te répondrait parce que le monde est fou, tu sais. Un matin, on s'embrasse, puis l'après-midi, on se lance du feu. Et... pas un jeu vidéo, ici, là. Fiston, l'amour, c'est une des plus belles choses pour détruire quelqu'un, tu sais. Mal utilisé, là, tu te fais kidnapper ton cœur, il se fait torturer, puis tu meurs quand c'est fini. Mais bien utilisé, tu peux réellement construire quelque chose de vivant. Oui, mais papa, toi, pourquoi tu fais le contraire? Écoute, regarde, ça s'appelle la conciliation des contraires, puis pour comprendre ça, ben, t'as encore des volets à manger, hein. T'as encore des volets? Non, mais là, c'est cute, là. Jeune battleur. Mais attends d'avoir ton premier portefeuille. Tu vas voir que la succube, elle suce pas juste le bâton. Pour le reste, va me chercher une bière, amène le reste dans ta chambre, puis réfléchis à tout ça. En terminant, hein, Parce que tu le sais qu'on s'aime tous. Je le sais, il est rentré dans sa chambre, puis s'est poussé par la fenêtre tout de suite après, il est parti saouler avec ses chums. Puis quelque part, ben, il fait bien. Ben, les cicatrices du quotidien sont lourdes à porter. Puis, moi, dans l'absolu, j'ai aucun contrôle sur lui. Je l'aime du mieux que je peux, mais la vie va lui apprendre ce qu'elle a à lui apprendre, t'sais. Puis, ça me fait penser, j'ai pas dit ça la semaine passée à propos de la mécanique. Ben, je disais que la mécanique, c'est comme un couple, tu sais. T'as beau en parler en théorie, mais c'est par l'action, que tu vas trouver les vrais problèmes, en y faisant en face. Ouais, exactement. Faut pas juste faire les machines, faut les essayer. Non, c'est ça, tu sais. Ouais. On loupe tout, Tommy. Tout le monde loupe ses propres affaires, tu sais. Même mon fils, tu sais. Puis là, conseil, ben, ça me tente. Hein. Impose pas tes idées de grandeur à personne. Il y a juste toi qui as raison. Fait que fais ce que ton cœur te dit, mais les autres aussi ils ont raison. Fait que ferme ta gueule puis apprends. Pis si tu trouves ça trop dur, t'as le droit de pleurer. Il y a rien de plus beau qu'un fou qui sait qui est fou. Sinon, moi, ces temps-ci, je suis pas mal dans ma job de rêve. Là. J'ai pogné un contrat assez pété. On pourrait penser que c'est mal de torturer, kidnapper et tuer des gens. Mais dans cette situation-là précise, non. Même que j'utilise des techniques là, maintes fois approuvées par plusieurs pays. Tu travailles pour les médias? Des pays civilisés, Tommy. Ouais. OK. Je suis rendu péteur de banquier. Puis là, ben, il faut que je parte parce que j'ai un avion à faire atterrir un peu plus tôt que prévu. Là. Puis c'est long à rouler un parachute. Bye. Merci beaucoup, Mathieu. Fait plaisir. Je suis content de voir que ton fils grandit bien. J'ai hâte que tu nous l'amènes à un Noël à un moment donné. C'est lui le cadeau, Tommy. Hey, BSPP, ça veut dire pour personne Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, là, mais après cette toune-là, peut-être. Et plus grosse que la tienne, c'est la plus grosse en ville, c'est la plus vilaine. La mienne, c'est plus qu'une once, c'est une barre fontaine. Je suis sapeur-pompier. Quand sonne la cloche pour éteindre le feu, je la sors de ma poche sans broncher des yeux. Car pour sauver des tâches, ça prend du sérieux. Je suis sapeur-pompier. Clinton est un pompier, Chirac est un pompier, Sharon est un pompier, Arafat est un pompier, même Bush est un pompier, un tout petit pompier. Allez, allez, pourquoi la guerre? Nous sommes tous des pompiers. Mon boyau est plus long et plus long que le tien. Mon boyau c'est un monstre, c'est tout un engin. Mon boyau est si long qu'il me brise les reins. Je suis sapeur-pompier. Quand je vois l'urgence du haut de ma tour, quand toute femme se déhanche et brûle comme un four, vaillant et courageux, à son aide j'accours. Je suis sapeur-pompier. Staline était pompier, Roosevelt était pompier, De Gaulle était pompier, Churchill était pompier, Hitler était pompier, une bipole de pompier. Allez, allez, pourquoi la guerre? Nous sommes tous des pompiers. C'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, doué comme un as, sculpté presque au perfecto. Je suis sans complexe, je suis sans défaut, je suis le plus fort de tous les super-héros. La mienne est plus grosse et plus grosse que la tienne. C'est la plus grosse en ville, c'est la plus vilaine. La mienne c'est plus qu'une ose, c'est une bande fontaine. Je suis sapeur-pompier. Quand sonne la cloche pour éteindre le feu, je la sors de ma poche sans brancher des yeux. Car pour sauver des tâches, ça prend du sérieux. Je suis sapeur-pompier. Clinton est un pompier, Chirac est un pompier, Sharon est un pompier, Arafat est un pompier, même Bush est un pompier, un tout petit pompier. Allez, allez, pourquoi la guerre? Nous sommes tous des pompiers. Allez, allez, pourquoi la guerre? Nous sommes tous des pompiers. Les sapeurs-pompiers dans le vent sont they don't have a choice. Look at them. Boobies look so nice. You wanna watch this video twice. Not a suggestion. Fucking do it. Boobies. Airbags, babaloo, safety, Tita, fun, Vegas, Sanga, knockers, scooters, tet, tets, titties, rack, rack of boob is coming for you. Woo! Big old boobies, big old boobies. Tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, tits, take a fucking second to squeeze. Did you ever drop a ring down the drain, a loose earring into the toilet, or a necklace behind a heavy piece of furniture? Reach for the Alligator, the handy little creature that safely rescues rings and things from garbage disposals and much more. Look, Alligator has clever jaws, a built-in ultra-bright LED light, and an easy grip with spring-loaded trigger for precision grasping and safe removal of hard-to-reach objects. The light-up Alligator loves to go diving under the fridge or stove. The precision grip picks up runaway toys, utensils, and more. Remove nasty hair everywhere. Runaway socks are a pain. The ultra-narrow design lets you slip into skinny spaces between the washer and dryer. Clean the lint pan, too. Drop your glasses? With the ultra-bright LED light, the Alligator grabs them instantly. Burned by the toaster, safe plastic Alligator to the rescue. Best of all, the Alligator folds for easy storage, so it's always there when you need it. Uh-oh, dropped keys in the car is a disaster. But Alligator has a high-intensity LED light, so you can find your keys in seconds. Great for reaching the top shelf of the medicine cabinet. Lost a screw in the hot engine? Use Alligator to retrieve nuts and bolts under the hood of the car. Alligator is the favorite family pet. Now you can own your very own Alligator pet for the special TV price of just $10. But wait, call right now and get a second Alligator free. Keep one in the house and one in the car. Just pay separate processing and handling. It's the perfect gift for grandma. Pick up dropped items without reaching. You get it all, a $40 value, all for just $10. So call now. Also ask about special discounts on the Easy Reacher for your complete reaching solution. コース、いいスタートだ。世界記録を上回るペース。行け。行った。どうだ。第一のコースやりました。何でも遊びにする天才。 l'incroyable introduction à Julien Bernatchez, mon gars. Rire et sourire au rendez-vous. Sourire, c'est les blagues moins bonnes, là. Ça, les souris seulement. Alors, cette semaine, un gros morceau, un incontournable, évidemment. Hein? Là, je suis rendu sur Wikipédia et je regarde quelle série publiée dans Tintin ou dans Spirou que j'ai pas encore parlé. Ah, oh, c'est Cubitus. Ah ben! Cubitus, voilà. Alors, Cubitus, vous replacez? Non? Eh bien, ça s'en vient. C'est une série de bandes dessinées franco-belges humoristiques créée par Dupas en 1968 dans le journal de Tintin. 39 albums ont été publiés de 1972 à 2002 par Le Lombard. Suite à la mort de Dupin en 2000, Le Lombard a confié la reprise de la série à Michel Rodrigue. Celui-ci a réalisé depuis 2005 avec l'aide du scénariste Pierre Ocage et depuis 2012 avec Eroc, Les Nouvelles Aventures de Cubitus. Les Nouvelles. Mais tout ça, je suis convaincu que vous le saviez déjà. La série... Vous êtes plugués. La série a la particularité d'être une des rares séries humoristiques dans le journal de Tintin. En fait, Tintin se spécialisait, le périodique, se spécialisait plutôt à l'époque dans la BD d'aventure, ou plutôt dans les rip-offs crissement plates de Tintin, comme Alix ou tout ça. Alix, genre, par exemple. J'ai-tu parlé d'Alix? Je m'en souviens plus. Je pense que non, hein? Non, je pense... Ça s'en vient. Alors voilà. Hey, ça, c'est un beau dossier, moi. Oui, oui, les BD... Fait que c'est ça. Fait que Tintin, c'est plus le périodique. Tintin, c'est l'aventure. Le périodique Spirou, c'est l'humour. Puis Pilote, ça, c'était ce qui était bon, puis qu'il fallait que tu lises. Alors... synopsis de Cubitus. La série raconte l'histoire de Cubitus, un gros chien blanc débonnaire doué de paroles. Cubitus vit dans une maison de banlieue avec son maître Sémaphore, marin à la retraite, et son voisin Sénécal, son ennemi juré. Et devinez quoi? C'est un chat! Parce que tu sais, c'est un... Cubitus est un chien, alors son ennemi est un chat. On a... Voilà. Il arrive que ce dernier soit son meilleur ami ou son compagnon de route, par contre. En d'autres mots, ben, who cares? C'est bon. C'est une espèce de relation comme Reggie dans Archie, que tu sais, c'est pas constant, vraiment. Dans l'album légendaire Un chien peut en cacher un autre, le neveu de Cubitus, Bidule. Légendaire! Oui. L'épître au Corinthien. J'ai copié-collé le synopsis de la série de Wikipédia, et là, j'ai rajouté légendaire. Alors, à la Bernatchez. Ouais. Dans l'album légendaire Un chien peut en cacher un autre, le neveu de Cubitus, Bidule, fait son apparition. C'est ça. Encore une histoire de neveux, oui, de famille étendue, c'est neveux, tout le temps ça, man. Toujours les neveux. Ça vient pas un héros dans la bande dessinée. Spirou, non. Jamais c'est venu, man. Tintin, le héros, lui, il n'a pas de neveux, là. C'est pas old school, RG, shit, man. C'est des gags en une planche, avec des fois des histoires courtes de quelques planches. Donc, je présume que des fois, il doit y avoir quelques albums que c'est des longues histoires, parce que ça fait ça dans ces séries-là, comme dans Robin Dubois, ouais. Ou Achille Talon, mais j'ai pas vérifié. Ben, puis d'ailleurs, les meilleurs albums de Cubitus, c'est les albums que c'est une histoire de 60 ouais. pages. Là. Comme les Achille Talon. Ou comme Boule et Bill, le seul qui est bon. Boule et Bill, il y en a un. C'est ouais. Le seul qui est bon, c'est celui qui est une histoire. C'est ça, de Boule et Bill? Non. J'ai pas fait de... j'ai encore du stock pour une autre année. Ah, Chris, oui. Oui. Une des caractéristiques... T'as pas fait Robin Dubois non plus, t'as jamais fait Valérian. Je pense que Robin Dubois, il est comme pas assez de trucs sur l'os. Là. Moi, je vais trouver. Toi, dans le fond, tu veux dire le Wikipédia, il est pas assez gros. Le Wikipédia est pas assez chargé de Robin Dubois. Comment on parle de Cubitus? Quand même stage, on me l'a demandé quelques fois, mais il manque un angle pour en parler. Alors voilà, une des caractéristiques intéressantes de... Mais... La petite pause boire, c'est bon. Ouais, ben là. Une des caractéristiques intéressantes de Cubitus est qu'il est conscient d'être un personnage de BD. Il connaît également très bien son créateur, auquel il reproche la plupart du temps toutes les avanies qu'il subit au cours de ses aventures, avec des expressions du type « Dupas, tu me paieras ça » ou encore « On me dupe pas ». Qui, je dois avouer, quand même un bon gag. Malgré cette caractéristique intéressante, Cubitus ne semble jamais avoir voulu arrêter sa série vu que c'est de la merde. Ça aussi, je l'ai rajouté. Alors voilà. Cubitus, c'est des dessins animés. Tu peux mettre la vidéo que je t'ai envoyée. Pas encore. Ben, moi, c'est... j'aimerais ça écouter la toune au moins parce qu'elle est bonne. On peut pas écouter la vidéo. Ah, tu veux quoi? Oui, oui. Ben, je veux pas t'interrompre dans ta chronique, mais la toune, c'est Cubitus. C'est quand même assez. Ça, c'est le début du vidéo, ça? Oui. On n'écoute pas. Là. Hey, écoute, ok, bon, on écoute. Mets le son de la toune, puis après ça, laisse aller la vidéo sans la toune. Excellent. Sans le son, je veux dire. On s'entend. Un pet, ça. même que vous n'avez jamais. Oh, l'humour est là, Yvan Delporte encore. L'humour est au rendez-vous. C'est une époque plus simple. Ah, mais c'est pas... C'est pas celle que je pensais, ça, c'est pour des courtes capsules qu'il y avait avant. Ça, ah c'est bon, pas ben, en tout cas... Parce que c'est devenu un dessin animé en épisode de 20 minutes à un moment donné. Ben écoute, donc Cubitus, c'est un court-métrage de 77 des studios Belle Vision qui ont fait les vieux dessins animés de Tintin. Tu sais, celui Tintin, ça joue encore à Noël, là, Tintin, le... te tourne la fin le malaise, là. OK, ouais. Tu sais, celui-là que l'animation est lette, puis tu sais, bon, ben c'est eux qui ont fait celui-là aussi. Ils en ont fait, de selon mes recherches exhaustives, il y en a fait seulement un qui serait celui-là qu'on écoute présentement. Ok, ben ça je l'ai jamais vu et la sinon, date. Sinon, il y a merci. Une série de dessins animés japonais d'une centaine d'épisodes dont le titre original est Don Don Domeru Toron. Ah voilà. The more you know, hein. Ensuite de ça, c'est. Cubitus, c'est aussi des figurines, des timbres, des peluches et même des pogs. Mais c'est aussi 47 albums et j'en ai lu aucun. Alors, je vais appliquer ce que j'appelle le traitement Bob et Bobette. Qui a été créé. Soit créé par. À 70%. Que j'ai créé à l'époque où je faisais ma chronique sur Bob et Bobette sans avoir lu d'album. Soit deviner le contenu du livre en lisant seulement le titre. Alors, on y va. Tome 8. Tu le fais exprès ou quoi? Après avoir lu un album de Cubitus, Cubitus se sent terriblement gêné et se demande franchement si l'auteur fait juste exprès. Commence tranquillement toujours. Ensuite de ça, tome 9, l'ami ne fait pas le moine. Ostracisé par sa communauté parce qu'il est juste trop crissement fatigant, Cubitus se trouve finalement un ami, soit le moine du village, qui s'avère être un pédophile en série. D'abord un peu rebuté par cette révélation, Cubitus essaie de se faire accroire qu'il y a du bon dans chacun et que ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler parfois, peu importe ce que cette personne fait dans son intimité. Pas fini. Assis autour d'une cour d'école, ils discutent de tout et de rien, comme de comment effacer son historique d'ordinateur, par exemple. Puis un bon matin, son ami se fait réveiller par une dizaine de policiers qui l'amènent pour de bon, et Cubitus se retrouve plus seul que jamais, car trop souvent, c'est quand on perd quelqu'un qu'on réalise sa véritable valeur. Puis il se rappela que c'est quand même un pédophile en série. Alors c'est le tome 9, l'ami ne fait pas le moine. Oui, voilà. Oui. Tome 12, nous fait marcher. Cubitus reçoit le scénario de son prochain album, puis là, il est comme genre, comme « Sérieux, là? Tu me fais marcher, là, Dupas? » Puis là, Dupas est comme genre « Non, non! » Alors, c'est ça, le tome 14, pas de salade. Cubitus apprend que les chiens peuvent manger de la salade. Puis là, je l'ai googlé. Oui. Cubitus apprend que les chiens peuvent manger de la salade, mais comme la plupart des gens, il décide de ne pas le faire. Tome 18, tout en caressant. Sénécal se fait surprendre par Cubitus pendant qu'il se caressait en regardant de la porn de gens qui se font caca dessus. Cubitus le regarde en silence, puis lui fait un sourire complice. Tome 20. Malaise qui va revenir. Malaise qui va... Tome 20, toujours avec deux sucres. Sénécal aime bien ça, aller prendre un café le mardi matin avec Cubitus. Ça lui fait quelqu'un avec qui parler de l'actualité. Mais tu sais, quand tu fais de quoi avec quelqu'un chaque semaine pendant genre 20 ans... À un moment donné, les tics et les habitudes de la personne en viennent à taper crissement ses nerfs. Et la façon que Cubitus a de toujours demander tout le temps de la même façon son café à la vieille waitresslette, toujours avec deux sucres, toujours avec deux sucres, toujours avec deux sucres, donne juste envie à Sénécal de lui colisser son déjeuner deux œufs brouillés avec une pain tranché d'en face en lui criant « Toujours avec deux sucres! » Mais il garde toute sa rage en dedans de lui, en silence, ce qui alimente plusieurs cancers en même temps en lui qui ont autant fait de la rattraper. Mais au moins, il n'entendra plus « Toujours avec deux sucres ». Alors, c'était le tome 20, « Toujours avec deux sucres », selon le titre. Tome 21, « L'esprit égaré ». Cubitus voit bien que dernièrement, son ami Sénécal file pas trop, qu'il n'a plus à là, qu'il semble pas avoir plaisir avec grand-chose. Mais il se dit « Chris, je suis un gars, j'ai pas envie d'en parler ». Fait qu'à la place, il essaie juste tout le temps de le faire rire de façon maladroite. Sénécal voit clair dans le jeu de Cubitus, mais il apprécie quand même l'attention. En fait, il a même pitié de lui. Ensuite, le tome 27. J'en ai pas lu des Cubitus. Tome 27, chasse chez du chien. Là, il y a des chats, puis il y a des chiens, puis là, devinez la suite. Ensuite, tome 29, Cubitus fait toujours le beau. Sénécal demande à Cubitus qui est son acteur préféré, et ce dernier répond Pierre Lebeau. Puis là, Sénécal est comme genre, hein, parce que j'ai pas demandé comme c'est quoi ton acteur préféré québécois, là. J'ai demandé c'est qui son acteur préféré. Puis là, Cubitus est comme genre, oh, ouais, j'ai compris, c'est Pierre Lebeau. La soirée était longue, comme d'habitude. Tombe 31. Cubitus. Non, t'as peur. Tombe 31. Cubitus et les Cumulus et les Romulus. Celui-là, je pense qu'il y a plein de nuages dedans. Puis de gags poches. Tombe 39. Je la coule douce. Cubitus regarde les derniers scénarios de Dupas. Puis là, il est comme genre, ok. Puis il est comme genre, ok, sérieux, là, tu mets vraiment pas beaucoup de temps là-dedans. Là, fais juste le dire, là. Puis là, Dupas, il est comme genre, non, je vais faire ça au bout, là. Tombe 41. C'est con. Oui. Ben, lui, ah, ben, il... 41, ça arrête jamais. Il y en a 47. C'est con. Mais je l'ai pas tout fait, là. Hey, c'est 60 gags par album, là. À peu près. Ben, 44, je présume. Tu fais quoi? On fait pas 60 fois 40? On peut pas faire ça. On peut faire... Une calculatrice peut se rendre jusque-là, mais c'est... pas un humain. Tombe 41, un chien peut en cacher un autre. Ben là, j'espère qu'il cache pas un autre Cubitus. Alors, voilà. Cubitus, j'ai jamais lu ça, mais c'est sûr que c'est pas la pire BD sur le marché. Puis ça doit faire la job en masse quand t'as 8 ans. Puis au moins, c'est pas une série dans laquelle c'est une version jeune de personnages connus. Alors pour toutes ces raisons-là, je lui accorde un 9.5 sur 10. Très mérité. Merci beaucoup, voilà. Julien. Un plaisir, Tommy. Moi, au niveau personnel, j'ose mentionner que c'est la BD Cubitus qui m'a le plus souvent fait rire à haute voix. Là, ben oui, c'est bien correct, Cubitus. On fait des blagues. C'est bien correct, Cubitus. Allez en lire. Colin, ben oui. Tout de suite. Hey, là-dessus, on finit l'émission tranquillement. Julien, merci. Merci à Giz. Merci à Mathieu. Et celle-là est pour un ancien chroniqueur, un ami intime et quelqu'un d'important qui aime beaucoup. Il passe dans des phases. Tu sais, je comprends pas ça, les gens qui ont des phases comme ça. C'est pas vrai. Lui, il trippe sur Abba ces temps-ci. Donc, Israël, Trudel Denis, cette chanson-là est pour toi. On termine 70%. Et puis, ben, merci aussi à Sylvain Savard pour la publicité. Reste en onde parce que dans quelques instants, je vais parler du long métrage de ce soir. Pas très longtemps. Ça s'appelle Zombie Bloodbath. Wow! Does it show again? My, just how much I missed you. With every passing second, each of these unsuspecting humanoids crawls 1/60th of a minute closer to co- ensemble. On est ce soir devant l'inévitable. On fait face à l'excellent Zombie Bloodbath. Ou en tout cas, le très subversif où c'est monsieur... Ouais, on va en reparler après le trailer. Ouais, ouais, on se donne une chance. Tout le monde au même niveau. C'est ce que c'est, c'est Zombie Bloodbath. On est devant un film de 1993, ne vous leurrez pas, c'est Asylum Home Video, mais ça n'a rien à voir avec The Global Asylum ou The Asylum, la compagnie qui nous fournit nos films depuis, en tout cas, à douteux je parle. Ils font pas des bons films, The Asylum, ils font des mockbusters, on parle pas de ça. Todd Sheets, voilà, c'est le nom du réalisateur du film de ce soir. Un film de 1993, on est l'année juste après... le film, c'était quoi déjà? Terminator 2, je dirais. C'est un autre moment important dans l'histoire du cinéma. Une année donc après, c'est un film en vidéo, on pardonne beaucoup des affaires. Mais bon, d'ailleurs, je commence avec ça. Il y a plusieurs raisons d'envie pour en venir à faire des films. Ça peut être pour faire de l'argent, c'est de plus en plus ça. Ça peut être pour le besoin de créer, ça a déjà été beaucoup ça. Ça peut être pour se trouver un projet à faire, tu sais, de quoi faire avec tes chums. Ou une manière de rencontrer des filles, ça s'est déjà fait. Il y en a d'autres, des raisons, tu sais, je prétends pas faire le tour ici à soir, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que le film de ce soir, Zombie Bloodbath, a été fait pour le plaisir, par des gens qui voulaient avoir du fun ensemble. Ça paraît que c'est un projet qui est tenu à bout de bras par un réalisateur qui a fait ça de sa vie. C'est-à-dire du cheap-ass vite fait, du Ed Wood, mettons, hein, pour utiliser, j'aime pas beaucoup ça, ces classifications-là, parce que Todd Sheets est un réalisateur à lui-même, mais bon, on le fait à la place de pas le faire, puis rendu au bout, on l'assume, puis on n'a pas besoin de l'assumer, on fait juste en faire un autre. Ouais, c'est peut-être là que ça devient le plus douteux, mais bon. En 1993, les films, ça se faisait encore sur vidéo. C'était beaucoup plus compliqué faire des longs-métrages dans ce temps-là. Ça coûtait cher, peser sur record, ça te prenait un raccord. Des fois aussi, à cause de la pellicule, tu n'étais pas trop au courant de comment c'était pour sortir, fait que ça te prenait un petit moniteur pour regarder au fur et à mesure comment l'image sortait. C'était compliqué, c'était cher avant. Non, tu sais. C'était beaucoup plus compliqué, cher, difficile d'obtenir la qualité voulue avant l'époque du numérique, on s'en doute. Les films étaient quelque chose d'autant plus, je dirais, il y a un vernis d'autant plus artistique du fait que c'était plus cher, plus compliqué. Ouais. Ben, vous allez en avoir la preuve ce soir. On voit ici, donc, un des personnages qui est en train de fondre et de devenir un zombie. Je vais en reparler un petit peu plus loin dans... Machine à fumer, lait écrémé, ouais, c'est ça. Donc, Zombie Bloodbath, c'est un film fait à bout de bras par des amis qui voulaient du gore plus qu'une histoire. C'est même le seul film que je connais qui nous lance un zombie meter à la fin. Ils nous vendent le nombre de zombies qu'il y a eu au total dans tout le film. C'est la seule fois que j'ai vu ça. Mais, tu sais, je vous le dirai pas comment qu'il y en a au total. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un esti. Ouais, c'est pas mal un film de zombies, par et pour des zombies. Sinon, ben c'est l'usuel, mais en pire, des acteurs sans direction, des textes sans saveur, des cadrages sans signification et des décisions incompréhensibles à tous les niveaux de production ou d'existence du film. Comme là, il pourrait fermer sa bouche, genre, je sais pas. En tout cas. Faut noter l'absence intégrale de white balance aussi. Il n'y a jamais beaucoup de white balance qui a été fait, et ça, c'est quand même une chose qu'on peut facilement faire. À moins qu'il y ait utilisé les éclairages pour essayer de créer des sens, parce que vous allez voir, au travers des éclairages dans la ville de Kansas City, parce que ça se passe à Kansas City, on remarque qu'il y a beaucoup de couleurs différentes, mais regarde, déjà là, dans le même plan, on a comme trois teintes de blanc différents, donc c'est une autre manière de faire des films, pourront dire certains. Donc, on est dans un long métrage en vidéo filmé de nuit avec des spots. Vous allez voir, ça frappe l'utilisation de la couleur. Je ne sais pas si c'était tout le temps volontaire. Je ne sais pas s'il y avait une signification, une métaphore. Ça reste quelque chose à observer. Sinon, ben comme on connaît personne qui a participé à cet effort honnête, quoique très laid, on peut se permettre de l'écouter avec notre esprit de bottine usuel et en venir à considérer le tout comme un moins 7. Ou un moins 2. Ça va dépendre de comment ça te tente de te forcer. Ce qui est sûr, c'est que... Ils appellent ça des films au nano-budget, là, tiens. Oui, voilà. C'est un produit du terroir. Alors, on va bien voir comment que les masses à douteux sont capables d'y répondre. On a chacun notre hypothèse à l'interne. On va voir si on va vider la salle. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches sur, ben, c'est ma job un peu, là, sur The Prince of Gore, The King of Splatter. Je parle de Todd Sheets, on a vu son nom tantôt, le réalisateur du film. Il est tellement à l'époque du vidéo, le gars, que sur son site internet, son adresse email, c'est une adresse AOL, America Online. Ouais, ouais, tu sais, comme dans jadis. Réalisateur de Kansas City, tout se passe à Kansas City dans son univers, Monsieur Sheets en est à plus de 30 longs-métrages amateurs, amateurs plus pro, là, genre la trilogie ici est distribuée sur Netflix, je viens d'en reparler. Ouais, c'est ça, il est à plus de 30 longs-métrages amateurs mettant des tripes, les tripes et ses amis en vedette. On a sûrement un de ses meilleurs ce soir, car la trilogie de Zombie Bloodbath se retrouve, en fait, c'est les seuls trois films du gars qui se retrouvent sur Netflix. Est-ce que ça veut dire que c'est les seuls trois films qui vont passer au travers de la révolution numérique? On verra bien. Ah, il y a le drapeau du Canada. C'est chez nous. On est content. Ben, on s'en crisse pas. Quant à l'histoire, vous allez voir, elle aussi reflète très bien les années vidéo. On a ici des photos, stock footage, voix off, tonne épeurante. Je vous explique un petit peu l'histoire de Zombie Bloodbath, un film de 1993, un an après Terminator 2. Une centrale nucléaire explose. Ça envoie des radiations qui transforment les rednecks de l'endroit en zombies. Voilà, c'est l'histoire du film. Le héros, vous allez le reconnaître tout de suite, il porte une lourde et dense moustache, ainsi qu'une longue et soyeuse coupe longueuil, ce qui fait que ça nous interdit de nous associer au héros. Il n'est que très de manière très distante intéressant. Il reste quand même assez charismatique pour qu'on puisse charrier un long métrage. Restant en onde, on va tout d'abord avoir L'Union fait la force, mais ensuite, vers 21h à douteux.tv, vous allez avoir live l'excellent Zombie Bloodbath. Merci.